Kernok le pirate gêne Su. Chapitre 11. Combat. L'abordage, l'abordage. On se suspend au cordage, on s'élance des haubans. Victor Hugo Navarin. Maître Durand, des boulets. Maître Durand, il vient de se déclarer une voie d'eau dans la fosse au lion. Maître Durand, ma tête, mon bras. Tenez, voyez comme ça saigne. Et le nom de Maître Durand, le canonnier chirurgien charpentier du bord, retentissait depuis le pont jusqu'à la cale, dominant le bruit et le tumulte inséparables d'un combat, aussi acharné que celui qui se livrait entre le brick et la corvette. Et de fait, à chaque volet qu'il envoyait, l'épervier tremblait et craquait dans sa membrure comme s'il eût été sur le point de s'entr'ouvrir. Maître Durand, des boulets, la voix d'eau, ma jambe, répétaient des voix confuses et pressées. Mais sacre Dieu, un instant, je ne puis pas tout faire. Des boulets envoyés en haut, une avarie réparée en bas, vos blessures à regarder. Il faut commencer par le plus pressé, et puis on s'occupera de vous, tas de brailleurs. Car à quoi êtes-vous bon maintenant? Vous êtes aussi inutile qu'une vergue sans voile et sans ralingue. Maître, des boulets, vite des boulets! Des boulets, vrai Dieu, quel coup! Si on joue cet air-là encore pendant un quart d'heure, nous serons à sec de gargousses. Tenez, enfants, et ménagez-les, ce sont les dernières. Alors M. Durand quitta le sac du canonnier pour prendre le maillet du calfat, et se précipita dans la fosse au lion, afin d'arrêter la voie d'eau. « Sacrebleu, je souffre bien !» dit Maître Zélie. Il était étendu par terre dans le faux pont, à peine éclairé par un fanal soigneusement fermé. Sa cuisse droite ne pendait plus qu'à un seul lambeau. La gauche avait été entièrement emportée. Autour de lui gémissaient d'autres blessés, jetés pêle-mêle sur le plancher, en attendant que M. Durand pût quitter le maillet pour le couteau. « Sacrebleu, j'ai soif !» continua Maître Zélie. « Je me sens faible. C'est à peine si j'entends nos canons parler. Est-ce qu'ils sont enrhumés ?» Au contraire, les bordées étaient plus nourries et plus éclatantes que jamais. C'est que l'audition de Maître Zélie était déjà affaiblie par les approches de la mort. « Oh, j'ai soif !» dit-il encore. « Et froid, moi qui avais si chaud tout à l'heure. » Puis, s'adressant à un confrère, « Fais donc attention, toi, le Polonais, qu'est-ce que tu as à te roidir comme ça ? Oh, crée coquin ! Est-il laid ? Tiens, voilà ses yeux blancs !» C'en était un qui expirait dans les dernières convulsions de l'agonie. « Durand, viens donc, cordieux !» cria de nouveau Zélie. « Viens voir ma jambe, mon vieux !»« Je suis à toi dans l'instant. Un coup de maillet encore, et l'avarie que nous avions à la flottaison ne paraîtra pas plus que la trace d'un aviron sur la surface de l'eau. Allons à ton tour. Nous nous sommes donc cognés ?»« Oui, un peu !» répondit Zélie. Monsieur Durand décrocha le fanal et l'approcha de Maître Zélie, qui grimaça une espèce de sourire, tout fier de la surprise de Monsieur Durand. « Tiens, dit le chirurgien charpentier canonnier, où est donc ton autre jambe, farceur ? Là-haut, sur le gaillard d'avant, encore peut-être. Allons, débarrasse-moi de celle-ci, car elle me gêne. On dirait qu'on m'a attaché un boulet de 36 au pied. Oh, j'ai soif, toujours soif. » Tout en examinant la jambe de Maître Zélie, M. Durand secoua trois ou quatre fois la tête et sifflota, fort bas, il est vrai, l'air du bouton de rose, puis finit par dire « Tu es foutu, mon vieux. »« Ah, mais là, vrai, bien ? Oh, bien. »« Alors, si tu es un brave garçon, prends mon pistolet et casse-moi la tête. »« J'allais te le proposer. »« Merci. »« Tu n'as pas de commission avant ?» Non. Ah, si. Tiens, voilà ma montre. Tu la donneras à grain de sel. Bien. Allons. Ah, j'oubliais, si le capitaine ne crève pas là-haut comme un mousquet, dis-lui de ma part qu'il a commandé un brave. Bien. Voyons. Ainsi tu crois que je suis ce qui s'appelle... Oui, foi d'homme, et tu penses bien que je ne voudrais pas faire une farce à un ami. C'est vrai. Malgré ça, c'est vexant tout de même. Brrr, quel froid! Je ne puis presque plus parler. Il me semble que ma langue est aussi lourde qu'un morceau de plomb. Tiens, ça tourne. Adieu, vieux. Encore une poignée de main. Allons, y es-tu? Oui. Ah ça, ne me manque pas. Feu, me v'la guérie. Il tomba. Pauvre bougre, dit monsieur Durand. Ce fut l'oraison funèbre de maître Zélie. Monsieur Durand aurait peut-être désiré terminer toutes ses opérations aussi cavalièrement, mais ses autres clients, effrayés de la violence du topic, qui avait pourtant si bien réussi à maître Zélie, préférèrent des emplâtres d'étoupe et de graisse que l'honnête docteur appliquait indistinctement à tout et pour tout, avec un supplément de consolation pour les mourants. C'était tantôt, bah, après nous, la fin du monde, ou bien encore, la prochaine campagne devait être rude, l'hiver froid, le vin mauvais, et une foule d'autres gracieusetés destinées à adoucir les derniers moments de ces pauvres pirates qui avaient le souci de quitter une honorable existence sans trop savoir où ils allaient. Monsieur Durand fut interrompu brusquement au milieu de ses soins spirituels et temporels par Grain de sel, qui tomba comme une bombe au milieu de 7 agonisants et de 11 morts. « Viens-tu gâter ma besogne, chien ? » dit le docteur. Et le mousse reçut avec cette admonition un soufflet à assommer un rhinocéros. « Non, maître Durand, au contraire. On demande des gargousses là-haut, car on vient d'envoyer la dernière volée. C'est la corvette anglaise qui tient bon, tout de même. Elle est rase comme un ponton, et elle fit un feu qu'on ne s'y voit pas. Ah, et puis j'ai un doigt emporté par un biscayen. Tenez, maître Durand. Veux-tu pas que je perde mon temps à regarder ton égratignure, gredin? Chien! Merci, monsieur Durand. Le fait est qu'il vaut mieux ça qu'un bras de moins, dit Grincel en tortillant à la hâte son tronçon de doigt dans de l'étoupe. Mais tenez, ajouta-t-il, voilà une pratique qui vous arrive, maître. C'était un blessé qu'on descendait dans le faux pont. Comme il était mal attaché, il tomba et s'acheva sur le panneau. Encore un de guéri, dit maître Durand, qui était absorbé, pensant à remédier au manque de boulets. Des gargousses, en haut des gargousses, crièrent plusieurs voix avec un accent de terreur. Sacrebleu, quand on devrait charger les caronades avec des mousses, on fera feu sur l'anglais, s'écria maître Durand, en montant rapidement sur le pont. Grincel le suivait, ne sachant pas si l'intention que le maître avait manifestée de l'employer comme projectile était une plaisanterie ou non, mais fidèle à son système de consolation, il se dit « J'aimerais encore mieux ça que d'être pendu par les Anglais. »